الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc là, bismillah, comme convenu, on va prendre les wajibat de la salat. Et je vais les lire directement du livre Sifat Salat de Cheikh Mohammed ibn al-Uthaymeen, rahmahullah ta'ala. Il les cite brièvement, après avoir cité les arcanes qui sont les piliers. يقول رحمه الله تعالى الواجبات هي الأقوال أو الأفعال التي إذا تركها الإنسان عمدا بطلت صلاته وإن تركها سهوا فإنه يجبرها بالسجود السهو. Donc ces واجبات, ces obligations, ce sont des paroles ou des actes qui, lorsqu'ils sont délaissés, volontairement, s'annule la salat de la personne. Mais s'il les délaisse par oubli ou par inattention, par inadvertance, cela le contraindra pour compenser à faire sujud al-sahw, les profanations de distraction. Et on avait déjà expliqué la différence qu'il y a entre le wajib et le rukn, entre l'obligation et le pilier. Le pilier, on l'a dit, s'il est délaissé volontairement, comme le wajib, comme l'obligation, ça annule la salat. La différence qu'il y a entre le wajib et le rukn, c'est que le wajib, si on met, on l'oublie, on compense par sajd de sahou, sans avoir à le recommencer, alors que le rukn, on est obligé de le refaire. Ce qui était obligé est obligé d'être accompli, et ensuite, on fait sajd de sahou. Quant au fait que le fait de délaisser une obligation obligatoirement, cela annule la salat, ce n'est pas un avis unanime, mais c'est l'avis de la plupart des savants. Fayaqul awwalan at-takbirat siwa takbirat al-ihram fa innaha min al-wajibat. Amma takbirat al-ihram fa innaha ruknun min arkan as-salat. La tan'iqd as-salat illa biha. Donc en premier lieu, il y a toutes les takbirat, le fait de dire Allahu Akbar, qu'on a cité dans les hadiths. En dehors du premier, le premier takbir que l'on fait, qu'on appelle takbirat al-ihram, celui-ci c'est un rukn, c'est un pilier de la salat. On l'avait expliqué la dernière fois. Le premier qu'on fait pour entrer dans la salat. Quant aux autres, ce sont des obligations. Et là, on parle de la salat qui est la salat quotidienne. On parle pas de la salat de janaza, ou salat du Eid, ou salat du kousouf, ou autre. Là, on parle des salawat, celles qui sont à faire obligatoirement chaque jour, les cinq. Car les autres ont d'autres jugements qui les concernent. Là, on parle de celles-ci. Par contre, il fait une exception pour celui qui ferait qui rentrerait dans la salat, par exemple, et que l'imam est déjà raka'a. Il est déjà en inclinaison. Lui, quand il est dans la salat, il doit obligatoirement faire takbirat al-ihram, le premier. Maintenant, est-ce qu'il doit faire le deuxième ou pas? À ce moment-là, ce n'est pas obligatoire. Il peut rentrer dans le recours directement. Car l'imam a déjà fait le recours. Et il dit la preuve que ces takbirat sont des obligations. Awwalan qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, iza kabbara al-imamu fa kabbiru, wa iza qala sami'a Allahu liman hamida fa qulu rabbana wa lakal hamd. Donc il dit le hadith qui est venu par plusieurs sahaba que si jamais l'imam fait le takbir, alors faites le takbir également. Et lorsqu'il dit sami'a Allahu liman hamida, alors dites rabbana wa lakal hamd. Dit pourquoi? Car ce hadith est venu sous la forme impérative, c'est un ordre. Et la base dans les ordres, c'est que cela implique l'obligation. Donc on n'a pas une chose qui l'interprète comme étant recommandée ou comme étant un simple ordre d'indication. Car des choses viennent sous la forme impérative, mais ce n'est pas l'obligation qui évolue. Mais là, dans ce hadith, c'est l'obligation qui évolue. Donc ça, ce sont les premières obligations, les takbirat, que l'on fait au moment précis. Deuxième, tasbihat fi ruku' wa sujud. Faya ar-ruku' subhana rabbi al-azim wa fi sujud subhana rabbi al-a'la. Donc les tasbihat, le tasbih, c'est lorsqu'on dit subhanallah. Et nous, dans le sujud, on dit subhanallah ou subhana rabbi al-azim, qui veut dire purifier son Monseigneur. Al-azim, c'est un mot souvent contredit comme le grandiose, l'immense, ou c'est une chose qui est d'une grandeur infime et qui peut avoir, ça peut être appliqué sur la créature, mais quand on parle d'Allah Azzawajal, Ouzmatullah Azzawajal, Ouizamullah Azzawajal, c'est une immensité incroyable. Et dans le sujoud, on dit Subhana Rabbi al-A'la. Le fait de dire gloire à Allah, à mon Seigneur, le plus haut. Al-A'la, le plus haut. Et le tasbih, c'est quoi le tasbih? C'est le fait de purifier Allah Azzawajal, le rendre exempt de tout défaut et de tout manque. Et ça, le tasbih, lorsqu'on dit Subhanallah, c'est s'exclamer et reconnaître que Allah est exempt de tout défaut et de tout manque, de toute faiblesse. Naam. Troisième et quatrième obligation. At-tasmi' wa tahmid. Ay qul sami Allahu liman hamida 'inda arfa min ar-ruku' wa qul rabbana wa lakal hamd ba'd al-qiyam min ruku' al-imam wal munfarid. Donc le tasmi' c'est dire sami Allahu liman hamida lorsqu'on se relève du ruku'. Et le tahmid, là, c'est pas le fait de dire hamdulillah. Là, c'est dans la salat, c'est le fait de dire rabbana wa lakal hamd en se relevant du ruku'. Attention, cependant, sami Allah liman hamida, seul l'imam qui préside le dit, ou alors celui qui fait la salat tout seul. Mais lorsqu'on fait la salat en groupe, si l'imam dit sami Allah liman hamida, les ma'moumouns n'ont pas à le dire eux. Eux, ils disent juste rabbana wa lakal hamd. Quant au fait de dire Rabbana wa lakal hamd, tout le monde le dit, l'imam et les autres. Donc on a bien compris, le fait de dire Sami Allahu liman hamida, c'est pour l'imam qui préside, ou alors pour ceux qui font la salat tout seul. Car c'est lui son propre imam à ce moment-là, donc il doit le dire. Et il doit dire également Rabbana wa lakal hamd. Mais dans la salat en jama'a, les ma'moumoun, ceux qui sont présidés, eux n'ont juste à dire Rabbana wa lakal hamd. Ensuite, khamisan, at-tashahud al-awwal wa jalsatuh. C'est le tashahud al-awwal qu'on fait après les deux premières rak'at. Celui-là, c'est une obligation. Et ce n'est pas un rukn, contrairement au deuxième. Et là, ça concerne les salats qui ont plus de deux rak'at. Donc ça ne rentre pas dedans le subh, le fajr. C'est-à-dire, il n'y a que deux rak'at. Donc forcément, le tashahud sera le dernier, le seul qui aura. Donc lui, c'est un pilier. Mais lorsqu'on fait le dhor, on fait le asr, on fait le maghrib, on fait le isha, on fait deux tashahud. Donc le premier des tashahud, celui-ci, c'est un wajib. Et le faire en étant assis, également, c'est un wajib. Et là, on ne cite pas les formules, comme on l'expliquait, les invocations à prononcer vont venir plus tard dans un autre ders. Et là, on parle des actes. Donc ce tashahud, celui qui l'aurait délaissé en oubliant, puis s'est rappelé par la suite, il doit faire sujud de sahou. La prosternation de distraction. C'est-à-dire pour avoir été distrait, avoir été inattentif, pour avoir oublié. Sadisan su'al al-maghfira marra. C'est-à-dire deux fois. Le fait de dire Rabbi ighfirli. Mon Seigneur pardonne-moi. Et cela a lieu lors de l'assise entre les deux prosternations. Cela a lieu dans l'assise entre les deux prosternations. Donc voilà en gros les wajibat citées par Cheikh Mohamed Ibn Uthaymeen. D'autres savants en voient d'autres, mais celles-ci sont les plus, on va dire, prises en considération. Donc on les répète. Toutes les takbirat que l'on fait dans la salat au moment précis, à part le premier takbir qui est celui de l'ihram. Lui c'est un rukn. Ensuite, le fait de dire, en se relevant du recours, Sami Allahu liman hamida, et dire Rabbana wa lakal hamd. Et on a expliqué la différence qu'il y a entre l'imam et les autres dans ce doa. Puis les tasbihat, dire Subhana Rabbi al-Azim, ça c'est dans le recours, et Subhana Rabbi al-A'la, ça c'est dans le sujoud. Il faut le dire obligatoirement. Et ensuite, on peut ajouter les doigts. Après, on a expliqué, il y a le tashahoud al-awwal et la pause assise qui a lieu après les deux premières raka'at. Et pour finir, le demande de pardon qui a lieu justement lors de cette assise entre les deux, ou plutôt enfin, de demander le pardon lors de l'assise entre les deux prosternations. D'accord, on se prosterne, après on s'assoit. On assit sur les genoux. À ce moment-là, on dit Rabbi Firli, Rabbi Firli. Après, on se reposterne. Et après, il y a la Jalsat al-Istiraha, l'assise de repos, puis on se lève. Donc, entre chaque doublé de prosternation, on dit ce doa. Deux fois. Donc, on rappelle, celui qui délaisse une de ses obligations, volontairement, délibérément, sa salat sera annulée. Quant à celui qui l'a qu'il oublie, mais qu'il s'en rappelle par la suite, alors lui, il doit faire ce jeu de sahou. Wakaza. Donc voici en gros le das qu'on a pris aujourd'hui, qui concernait les obligations de la salat. Naam. En espérant que cela a été clair et simple. Et on va s'arrêter ici, aujourd'hui. On poursuivra dans le prochain dars qui aura normalement lieu. Yom al-Ithnayn, Inch'Allah, lundi prochain. Fabi'ad al-Qadr naktafi, wa subhanaka wa bihamdik, la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.